Indicateur de référence au temps, présent. Aujourd'hui, maintenant, actuellement, présentement, à l'heure actuelle, en ce moment, ce matin, cet après-midi, cette semaine.